Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Comment expliquez-vous une telle offense? Comment expliquez-vous une telle offense? Rire du lobbysionniste n'est pas permis. Rire du lobbysionniste n'est pas permis. Et vous en abusez comme pas permis. Et vous en abusez comme pas permis. Et là, ha ha ha. Et là, ha ha ha. Et là, ha ha ha. Et là, ha ha ha. Pourquoi est-ce que vous rajoutez du beurre? Pourquoi est-ce que vous rajoutez du beurre? Lorsque vous préparez des croque-monsieur. Lorsque vous préparez des croque-monsieur. Moi j'ai déjà essayé sans le beurre. Moi j'ai déjà essayé sans le beurre. Et c'était bon pareil sauf que sans beurre. C'est quoi pas pareil? Chut, le refrain. Et ah ah. Manger. Pourquoi est-ce que vous aimez bien manger? Ce qu'il y a en dessous de vos ongles de pied. Ce qu'il y a en dessous de vos ongles de pied. Et puis ça pue, c'est pas très cool. Et puis ça pue, c'est pas très cool. Et moi j'attends qu'on me livre mes moules. Et moi j'attends qu'on me livre mes moules. Oh, oh, oh.